cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ma hiya al-shubhatu al-rabi'a? Tfadhal. Al-shubhatu al-rabi'a, thumma yaquluna na'budullaha wahdahu wa ala al-iltijah, laysa ibadah. Ma ma'na al-iltijah? Huwa talab أن الدفع على الشر. أحسن. يقولون أن هذا الدعاء الذين يسألون به الأموات، أي ces invocations qui font cette demande aux morts، pour eux c'est pas une عبادة. أي pour eux c'est une demande de شفاعة pour être préservé يوم القيامة. Et cette demande c'est pas une عبادة. Mais le jawab, comment on répond à cette chouba? Aïdaman, tfadda. Naam, awalan, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-du'a huwa al-ibada. Pourquoi hadha al-du'a, dans ce cas spécifique, et cette demande aux morts à shafa'a, pourquoi ça ne serait pas une ibada? Ma dalil? Il n'y a aucun dalil. Bal, les preuves من القرآن ومن السنة يثبت أن هذا سندعاء سرّط في العبادة. والذي ينفق أخر كله سيشرك بالله عز وجل. فهذا نعم. قال رحمه الله الشبهة الخامسة. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها أي après avoir montré à Haoula, à Mushrikoun, à cette demande, à la talab, à demander l'intercession à un mort, même si c'est un prophète, min al-anbiya, alayhim as-salatu wassalam, c'est du shirk. Et mal, et à la dua, c'est min al-ibad. Et demander à autre qu'Allah, c'est adorer autre qu'Allah. Et adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk. Après avoir montré hada à ce mushrik, peut-être qu'il répondra كما قال هنا أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها. Est-ce que tu n'acceptes pas شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم? Vous avez remarqué que cette question في الحقيقة n'a rien à voir avec ما تقدم. لأن نحن en tant que mu'minoun ولله الحمد موحدون, bien sûr qu'on croit أن الأنبياء feront شفاعة عليهم الصلاة والسلام, bien sûr qu'on espère cette شفاعة, لكن est-ce que ça implique qu'on la demande à autre qu'Allah عز وجل? انظروا وهكذا أهل الباطل, que ce soit un kafir, un mubtadi, quelqu'un qui ne veut pas le haq, دائما il essaie de repousser النصيحة, le conseil, la vérité avec ce genre de questions. C'est la même chose fil bid'a. Quand tu les mets en garde contre bid'at al-mawlid par exemple, fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a. La kathir minhum, ils disent, lakin, vous n'aimez pas le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi vous interdisez cela? Est-ce que vous n'aimez pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ça n'a rien à voir, al-haqiq. On aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakin inventer, c'est haram. Bel, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a jamais fêté son anniversaire. Lui-même, il a mis en garde contre les choses nouvelles dans le dîme. As-sahaba radiyallahu anhum, c'est les personnes qui aimaient le plus le prophète, alayhi salatu salam, ils n'ont jamais fêté son anniversaire. Abu Bakr radiyallahu anhu, il aurait pu. Omar, Uthman, Ali, bel, sa fille Fatima, ses petits-fils, al-Hassan ou al-Hussein, etc. A'immatul Islam. L'époque des salafs, personne n'a fêté Al-Mawlid. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Aimer Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire en lui, le suivre, appliquer sa sunna. Pas fêter son anniversaire, ça n'a rien à voir. Bel, c'est tashabbuhun bin nasara, bil kuffar. C'est les kuffars qui fêtent la naissance de leur anbiya ou des hommes pieux. Amma al-muslimoun, ils doivent s'écarter de hada. Enfin, ceux qui le fêtent parmi les musulmans, enfin, ils ont imité, ils ont pris Haoula comme modèle et leur ont ressemblé. Et c'est haram. Ah, c'est la même chose. Da'iman, Ahlul Batil, ils essayent de repousser les preuves avec ce genre de questions. Et nous, en tant que mu'minun, mu'ahidun, kadhalik, on peut leur poser des questions, mitl hadi, bihaq. On peut leur dire, nahnu lakin, vous demandez aux morts. Enfin, pourquoi vous ne demandez pas Allah Azza wa Jal? Est-ce que vous espérez la réponse d'un mort et vous n'espérez pas la réponse d'Allah Azza wa Jal? Ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, là, on espère. Enfin, demandez-lui. Demandez-lui et bi'idhnillahi Azza wa Jal, vous serez à la khayr. Qala المؤلف رحمه الله فقل أي tu réponds à cette شبهة لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكن إلا بعد إذن الله كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Tout ça taqaddam ma'ana. Aïfi shafa'a dans les chapitres précédents. A'ala kulli hal, annana, on croit, walillahi alhamd, en cette shafa'a et on l'espère, lakin, on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, wala yashfa'a al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi ahadin illa ba'd an ya'adhan Allahu fih. كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Donc الشفاعة c'est حق, c'est cité في القرآن, elle est cité في القرآن, elle est cité في السنة, لكن avec des conditions. أن cette شفاعة il faut la demander à Allah سبحانه وتعالى. Et كذلك personne ne fera shafa'a sauf si Allah lui autorise al-idn, l'autorisation. Et كذلك ceux qui recevront, qui profiteront de cette shafa'a, c'est les musulmans, les mu'ahidoun, les mu'minoun. Amma les mushrikoun, ils ne profiteront jamais de l'intercession. Enfin, si ces conditions elles sont rassemblées, tayyib. Wa amma demander à un mort, fala la yajouz. Qala fa idha kanat ash-shafa'atu kulluha lillah ولا تكن إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأحد حتى يأذن الله به ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته نعم اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه بي وأمثل هذا. Ça montre à la dua qu'il a cité en tant qu'exemple un ahl sunnah, un mouhidoun, un muslimoun, un mu'minoun, ils espèrent le shafa'a. Lakin il la demande à qui? À celui qui la possède, à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi shafa'atu jami'a. On demande cette shafa'a, l'intercession, à Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم. Enfin, tu demandes à Allah سبحانه وتعالى de ne pas être de ceux qui seront privés de la shafa'a du prophète عليه الصلاة والسلام. Enfin, on demande à qui? On demande à Allah عز وجل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها إلا أهل الباطل والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة. وهذا تقدم معنا أو مع بعضكم dans des دروس في العقيدة et كذلك sur les sectes ربما on avait cité هذه المسألة. على كل حال الخوارج والمعتزلة يرجتوا الشفاعة. لماذا؟ لأنهم ils ont une عقيدة أن celui qui rentre في النار il sort plus من النار. فالشفاعة لا aucune utilité عندهم. Ils acceptent une شفاعة فقط, c'est العظمى, أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف pour que les comptes y débutent. Hadi l'accepte. Amma al-shafa'a qui citait al-sahihayn, anna des gens min al-mu'minin sortiront min al-nar avec shafa'at man yashfa' bi'idhnillahi azza wa jal, ils l'ont rejeté. Limadha? Lianna 'indahum sahib al-kabira, si on fait le nar, il sort plus. Falihada, ils ont rejeté al-shafa'a. Qala wa amma ahl al-sunnah wal-jama'a فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين. C'est pour ça que les ulama, أئمة السنة, dans leurs kutub, ils citent tous pratiquement ce chapitre al-shafa'a, l'intercession. Que ce soit dans les kutub de tawhid ou de aqid. لماذا ici ce chapitre لأنه c'est la vérité لكن كما قال ولكنها لا تطلب منهم وهم أموات on espère la, la شفاعة que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres لكن on ne leur demande pas لماذا لأنهم ils vont faire شفاعة ils ne la possèdent pas quand est-ce qu'ils vont faire شفاعة quand Allah subhanahu wa ta'ala il donnera l'autorisation l'idn la permission فَسُلْوِي كِي أَسْبِرَ الشَّفَاعَةِ لَا تَمُوتَ اللَّهُ عز وجل قال وَلَكِنَّهَا لَا تُطْلَبْ مِنْهُمْ وَهُمْ أَمْوَاتُ وَإِنَّمَا تُطْلَبْ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَشْفَعُ عند الله إلا من بعد إذنه ولا بد أن يكون المشفوع به ممن يرضى الله عنه من أهل التوحيد donc ces deux conditions الإذن والرضا il faut لا بد la permission qu'Allah l'autorise هؤلاء de faire الشفاعه et كذلك ceux qui profiteront de cette شفاعه c'est les musulmans les mouhidoun اما ceux qui ont fait du shirk akbar et qui sont morts sans faire tawba ils profiteront jamais de هذه الشفاعه عياذا بالله قال والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشفعاء يوم القيامة إذا تقدم له أهل المحشر وطلبوا منهم أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم فإنه لا يشفع ابتداء وهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرى الشفعاء يوم القيامة يونا ديجا ليونسان دي أحاديث هذا الباب على كل حال حديث الشفاعة الطويل quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va faire الشفاعة pour أهل الموقف pour que les comptes y débutent il y en a tout le monde sera en attente يوم القيامة avant que les comptes y commencent et tout le monde attendra et أهل الموقف après une certaine durée ils iront voir Adam عليه الصلاة والسلام pour faire pour qu'il fasse الشفاعة il refusera عليه الصلاة والسلام ثم Ils iront voir Ibrahim, Moussa, Isa, alayhim as-salatu wassalam. Et chacun d'eux, il ne fera pas shafa'a. Thumma, à la fin, ils iront voir le prophète, alayhi as-salatu wassalam. Fahi hadha al-hal, al-Nabi sallallahu alayhi wassalam, kama qala Cheikh al-Bouza, fa innahu la yashfa'a ibtida'an. Il ne fera pas directement shafa'a. Fa qu'est-ce qu'il va faire, alayhi as-salatu wassalam? Qala, wa innama yasta'adhin rabbah. ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبخستغني أي va demander à الله سبحانه وتعالى حتى après une certaine durée يستمر ça va durer un certain moment حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك حتى يسوغا ديو بروفيت عليه الصلاة والسلام لف تاتيت اي غولف توا من السجود وسل تعطى وشفعت شفاء دموند تا دموند ال سوغا اكزوسي وشفعت شفاء اي انترسيد طون انترسيسيون الي اكسبتي انظروا سي سا الاذن وشفعت شفاء اي في الشفاعة شو لا بيرميسيون اما دوموندي او مور اولا لا دوموند اون ادي سي دو شيف ثانيا من اخبر هؤلاء كي سي كي انفورمي هؤلاء أن تل مور تل بيو يفرى الشفاعة il aura l'autorisation من qui c'est qui l'aura qui c'est qui les a informés personne هم ils vont dire mais النبي صلى الله عليه وسلم et c'est la prochaine شبهة on verra ensemble eux ils vont dire لكن النبي صلى الله عليه وسلم on est sûr qu'il fera الشفاعة نعم on est sûr qu'il fera الشفاعة لكن on n'a pas le droit de lui demander لأن on est sûr que النبي صلى الله عليه وسلم fera الشفاعة لكن on n'est pas sûr nous de profiter الله أعلم on va mourir sur quoi أما الشفاعة العظمى sur هذا الموقف tout le monde profitera لكن on parle de الشفاعة qui fait sortir من النار الموحدين فالله أعلم qui c'est qui profitera de هذه ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله على كل حال on n'a pas le droit de demander au prophète عليه الصلاة والسلام قال ولكن كيف تطلب الشفاعة الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق فتقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك اللهم شفعه بي وأمثال هذا هذا سؤال طيب il faut qu'on retienne هذا لأن après avoir montré à هؤلاء أننا on n'a pas le droit de demander الشفاعة à une créature لماذا لأن الشفاعة c'est Allah qui la possède قل لله الشفاعة جميعا هنا واحد يبوز بوز لا كيسيون فكومون فير بو بروفيتي دو سيت شفاعه Tu lui réponds, anna shafa'a tutlab min Allah. Demande à Allah. Comment faire? Mitla hadha du'a. Allahumma shafi' li ya nabiyak. Tu demandes, ya Allah, yawm al-qiyama, fait que ton prophète, alayhi salatu wasalam, il fera shafa'a pour moi. Tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Riyad al-had, tayyib, ya rien de mal. Qala, wa amthal hadha. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب rien après sa mort عليه الصلاة والسلام. Il est mort. إنك ميت وإنهم ميتون. هكذا قال عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات. On n'a pas le droit de lui demander. لا شفاعة ولا غير شفاعة. Que ça soit la guidée, que ça soit la guérison. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم c'est un بشر. مخلوق. Et c'est un Nabi min al-Anbiya, c'est un Rasul, l'Afdal al-Rasul, Allah il l'a élevé sur toutes les créatures avec hadihi al-Risala. On l'aime, on le suit, il a agré, amma lui demander, ou l'adorer min dounillah, c'est du shirk. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, il a mis en garde contre hada. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Il a fait ce dua. Anna, sa tombe, ça ne devient pas un wathan. Un wathan, c'est ce qui est adoré, min dounillah. Enfin, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne soit pas adoré, min dounillah, comme les chrétiens, ils ont adoré Isa, alayhi salatu wassalam. Fahala taqaddam ma'ana. Vous avez remarqué que ça se répète, et au fur et à mesure, il citera des choses qui n'ont pas été citées. Fanaqra. Qala shubhatu sadisa. Donc, la sixième shubha, fa'in qala. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى. C'est la suite de la shubha précédente. فهم يبون dire لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله lui a donné الشفاعة. Et il fera الشفاعة. فنحن on lui demande une chose que Allah lui a donné. Vous avez remarqué الآن c'est un rajout sur les shubha précédentes. الآن il y a cet ajout, il est important. Tu dois comprendre pour pouvoir répondre. قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. انظروا على جواب أهل العلم. Une réponse très très simple. نعم الله lui a donné الشفاعة. Et il t'a interdit de lui demander. Il n'y a aucune contradiction. Hum, ils ont pensé que vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va faire شفاعة يوم القيامة, c'est permis de lui demander. لا أبدا. On n'a pas le droit. قال فقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. صحيح كم أنا أكسبت أن الله عز وجل لطغزغ النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشفاعة يوم القيامة, فكذلك أنت وأبيغ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قال فلا تدعو مع الله أحدا, أي نبوكي بخسنبك الله عز وجل. Le mot « ahada » en arabe, le mot « personne » en français, ça englobe toutes les créatures. « Qalu aydan, fa inna shafa'ata u'tiha ghayru nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa sahha anna al-malaika yashfa'un, wal-afrat yashfa'un. » Al-malaika wadih. On a plusieurs adillah qui hada, anna al-malaika ta'ifuqun shafa'a yawm al-qiyam. Kadhalik al-afrat. Qala al-afrat hum, dans l'hashiyah, قال هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم. هؤلاء يدي أحاديث صحيحة أنهم يفرون الشفاعة. Celui qui a perdu un enfant en bas âge. Donc cet enfant il est mort avant les parents. Cet enfant qui est mort en bas âge, يوم القيامة, il fera الشفاعة à ses parents. Vous voyez الآن qui vont venir شيخ الإسلام رحمه الله. Vu que هؤلاء كذلك يفرون الشفاعة, est-ce que c'est autorisé de leur demander? من دون الله أبدا. فهكذا avec النبي c'est pas permis de lui demander. قالوا الأولياء يشفعون. نعم أولياء المؤمنون كذلك يفعلون الشفاعة. قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم. vu que هؤلاء كذلك يفعلون الشفاعة, est-ce que ça veut dire qu'on peut leur demander alors qu'ils sont morts? لا. قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. سي واحد دي نعم سي permis de leur demander. ففي الحقيقة إلى دور هؤلاء, لأن الدعاء demander الشفاعة cette demande c'est une adoration. الدعاء هو العبادة. قال وإن قلت لا, بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Si هؤلاء يقولون لا, on n'a pas le droit de demander aux enfants, aux hommes pieux et à akhirah, même si Allah leur a donné shafa'a, ça montre anna qawlahu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné shafa'a, donc c'est permis de lui demander, ce qawl il est batil. Tu n'as pas accepté hada d'un côté, donc de l'autre côté, tu ne dois pas l'accepter, c'est la même chose. Jawab al-mu'allif, il est qawl. قال العلامة الشيخ البوزان حفظه الله تعالى أي ليس من اللازم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الشفاعة جواز طلبها منهم وهم أموات. Et ça c'est un point très très important, et on doit faire attention. كثير من أهل الباطل, que ça soit les كفار أو المبتدعة, أنهم أحيانا c'est une chose vraie, ثم c'est une chose soi-disant ça implique telle chose, et tu trouves que des gens ils se font avoir à cause de l'ignorance. مثلاً الشفاعه c'est حق, on est tous d'accord, des hadiths في الصحيحين, des versets في القرآن الكريم, لا ينكرها إلا أهل الباطل من خوارج ومعتزلة, c'est eux qui rejettent الشفاعه, mais أهل الحق ils l'acceptent. لكن est-ce que ça veut dire que ce حق qui est الشفاعه ça va impliquer de demander à une créature là? Et cette implication qu'ils ont citée, c'est du shirk. Fais attention. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haq. La yu'min wahadukum hatta akun ahabu ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidih. Hakada fi hadith, hadith Anas radiyallahu anhu. Donc c'est haq, ben on doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, plus que nos parents, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ils vont se servir de ce haq, ils vont dire vu que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est légiféré, donc on fait sa naissance. Le donc, et c'est ce que ça implique, c'est batil, c'est une bid'a. Faites attention à ça. Les al-lazim, al-lazim en arabe, c'est ce que ça va impliquer. Il faut un délit. Elle m'a cité un haq, thumma, cité quelque chose qui pour eux ça va impliquer, c'est forcément haq, c'est batil. Troisième mithal, détester les kuffars, c'est haq. Faut les détester billah. Et Allah Azza wa Jal قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. Tu trouveras pas un qawm min al-mu'minin qui aime les kuffars, donc il faut les détester. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Tu vas détester qui, les ennemis de l'islam? C'est واضح. Est-ce que cela ça implique qu'il faut être injuste envers eux, comme ils ont compris le khawarij? Est-ce que c'est permis de faire des attentats, des tueries, des injustices? C'est haram dans notre dîn. On n'a pas le droit. Enfin, on les déteste et malgré cela, on n'est pas injuste. On va pas les attaquer injustement. Il y a avec des tueries ou des attentats. Enfin, bon, le asl al-mas'ala c'est haq. Est-ce que ça implique c'est batil? Ad-da'wa c'est haq. Faire ad-da'wa. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. Combien de versets في القرآن الكريم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Donc الدعوة صحة. Est-ce que ce qu'ils font جماعة التبليغ الضلال, sortir 3 jours, sortir 40 jours, appeler les gens, les laisser de tawhid, se précipiter à faire da'wa bila ilm, est-ce que ça صحة? C'est pas tel. Pourtant eux pour argumenter leur fi'l, ou montrer que leur fi'l est le haq, qu'est-ce qu'ils disent? C'est da'wa c'est haq. Non, da'wa c'est haq, mais la façon dont vous la faites c'est batil. Donc c'est un point très très important qui vous servira dans beaucoup de choses. En intabihu la masala le haq, lakin intabihu ce que les gens ils vont tirer de cette vérité, ce qui cite comme implication n'importe qui, quel qu'il soit, il doit y avoir un délil min al-Qur'an ou min al-Sunnah, li'anna hada ad-din il est kamel, le din il est complet. اليوم أكملت لكم دينكم هكذا قال عز وجل. Donc tout ce qu'on a besoin dans le din, il y a des adillah, la bud, imma un verset du Coran Karim, imma un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ijma' min ahl al-ilm, t'es obligé de trouver un dalil. S'il n'y a pas de dalil, ihdar, khasatan si al-ulama met en garde. قال رحمه الله بدليل أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع به, ولأن طلب الشفاعة من الأموات شرك, والله قد حرم الشرك وأحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة. انظر, هم يقولون que c'est permis, ils disent que c'est permis, لماذا؟ لأن pour eux, الشفاعة c'est حق, donc c'est permis de la demander à celui qui l'aura يوم القيامة, le prophète عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة leur فعل, il est très très grave. كما قال الشيخ, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il annule toutes les œuvres de celui qui fait هذا. Celui qui demande الشفاعة à des morts, il invoque autre qu'Allah, Allah il lui annule toutes ses œuvres. Toutes ces salats, le hajj qu'il a fait, le siyam, son bon comportement, tout est annulé. وَلَا تَسْتَبْعِدْ هَذَا, comme ils font بعض الجوهل. بعض الجوهل, pour eux, ça paraît loin. هذا. Comment toutes ces années est... Là, c'est حق. لماذا? لأن الله أخبر بالقرآن الكريم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Si tu fais du shirk, on annulera toutes tes œuvres. Ça, c'est... Et قول الله c'est حق. Donc on doit faire attention. كذلك وحرم عليه الجنة. Il rentrera jamais في الجنة s'il meurt le shirk al-akbar. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Celui qui fait du shirk بالله et qui meurt à la shirk al-akbar, Allah lui interdit le paradis. Le paradis pour lui الجنة c'est haram. عياذا بالله. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Si le paradis est interdit pour lui, son refuge, ça sera le feu, l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Personne ne pourra le sauver, personne ne pourra le secourir. وَالْمَسْأَلَ لِيَعْظِيمَ. Et tu trouves بعض الجهال يتهاونون في هذا. كأن c'est une chose de pas grave. قَالَ وَقَدْ أَنْكَرَ سُبْحَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ غَيْرَهُ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ وَسَمَّاهُ شِرْكًا. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. الآيات تقدمت معنا كثيرا. وأيضا إعطاء الله الشفاعة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فهل كل من أعطي الشفاعة تطلب منه من دون الله؟ كما كان المشركون الأولون يفعلون ذلك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, كما تقدم معنا في المثل. أي بك النبي صلى الله عليه وسلم كي فغى الشفاعة يوم القيامة. Donc est-ce qu'on va déduire de cela, c'est permis de demander à tous ceux qui feront الشفاعة. مثلا si on prend l'exemple celui qui a perdu un enfant en bas âge, des adillah que cet enfant qui est mort en bas âge il fera الشفاعة pour ses parents بإذن الله عز وجل. Bien sûr si c'est des parents musulmans, ils méritent الشفاعة, les chouroutes qu'on a vu auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de demander à aller vers la tombe de ce bébé qui est mort et lui demander Ya Fulan, on le nomme Ya Fulan, demande à Allah qu'il fasse Shafa'a pour nous. Natawassal bih, on le prend comme intermédiaire. Na'oudou billah. Na'oudou billah. Et en haqiqa, c'est ma wuffiqou. Wa illa, qu'est-ce qu'ils vont perdre s'ils demandent cette Shafa'a à Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Ben, ils vont tout gagner. Il y en a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibada azima. Andur, ils ont délaissé tout cela et ils s'accrochent à ces choubouhas qui sont très très fragiles. Ces choubouhats, elles reposent sur rien. Lakin, vu qu'on vit à une époque où كثيرون من الناس se sont écartés du ilm et ahlul batil, ils ont réussi à propager ces choubouhats عند العوام, alors tu es obligé de faire des dorous pour expliquer cela et simplifier au maximum pour que هؤلاء y comprennent. Wa illa fal amr li wadih. Donc, hadhihi hiya ash-shubha. Est-ce que vous n'acceptez pas al-shafa'a? C'était la cinquième. Est-ce que vous rejetez al-shafa'a? Et la sixième, on demande une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura. On a répondu à ces deux. La septième shubha. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك. هذه الحقيقة تقدمت. On l'a détaillé plusieurs fois. لكن هنا il la répète pour répondre, pour détailler أكثر. فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره, فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. Et ça c'est un point essentiel في الردود. Pas que pour الشرك, حتى contre ceux qui propagent البدع. Pour résumer هنا, المشرك en général il prétend أن ce qu'il fait c'est pas du شرك. مفهوم. Donc, où a cette demande qui fait cette adoration envers les morts, il a akhiré, pour lui, c'est pas du shirk. Si tu lui demandes, quand même, c'est pas du shirk ce que tu fais, mais est-ce que shirk, ça existe? Fala shak il va de mla'am. Là, c'est cité dans le Coran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Si il se prétend musulman, il va pas rejeter le verset, il va dire la'am. Lakin, moi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce que je fais moi, c'est pas du shirk. Donc, ça veut dire qu'il y a du shirk que lui, il ne fait pas. Enfin, sur ce point, tu appuies. Vu que shirk, c'est plus grave que zina. C'est le plus grave des péchés. C'est plus grave que le meurtre, c'est plus grave que le suicide, c'est plus grave que l'adultère. C'est le plus grave des péchés. Tu lui montres, vu que tu es d'accord avec moi que le shirk, c'est le plus grave des péchés. Allah ne pardonne pas au mushrik s'il meurt à la shirk et il akbar. Donc, vous êtes d'accord sur ce point, laquelle vous serez en désaccord, est-ce que ce qu'il fait, c'est du shirk amla? Tu délaisses pour l'instant la date, tu lui dis, donc on est d'accord que shirk, c'est le plus grave des péchés, il a akhir. Ouais, il va dire, moi je ne fais pas de... Tu lui demandes, c'est quoi shirk? Enfin, tu lui demandes, c'est quoi shirk? Définis-moi, c'est quoi shirk? Les annasses citées dans le Coran. Et toi, tu dis que tu ne fais pas de shirk. Donc, c'est quoi ce shirk que Allah il a interdit? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde. Mais où? Qala al-mu'allif, fa innahu la yadri. Il ne saura pas te répondre. Celui qui a un peu de connaissance minimum, il te dira, c'est le fait de croire que un tel il a créé l'akhir, il va revenir à Rububiya. Tu lui montres, comme à Taqaddam, que Kuffar Quraysh, ils ont pas fait, Kazir minhum, ils ont pas fait ce shirk. Iblis, al-Kafir al-Mujrim, il a reconnu que Allah il l'a créé. Il n'a jamais prétendu que un tel c'est un créateur. Donc c'est pas ça le problème. Et tu verras que tu reviendras à tous les doros qu'on a fait ensemble, le fait de montrer Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibadah, et lui montrer que ce qu'il fait, c'est du shirk. C'est exactement la même chose pour le bid'ah. On vit à une époque, anna ba'd al-dhullal, min a'immat al-dhullal, qui font da'wah, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les masajid, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les pays musulmans ou les pays de kuffa, ils font da'wah, et abadan, ils mettent en garde contre le bid'ah. Abadan. Belle et critique quand un tas tu dis un tel groupe c'est des innovateurs. Un soufia, un ikhwan, un tablir, un khawari. Et quand tu dis que telle chose c'est une bid'a, un maulid c'est une bid'a, un khuruj que un tablir ils font c'est une bid'a, les askar que soufia ils font c'est une bid'a, spécifier le 15 de Sha'ban, on est au mois de Sha'ban, c'est une bid'a. Il y a beaucoup de bid'a. Qu'il jana'iz vi, se rassembler, lire le Coran en groupe c'est une bid'a. Tu trouves, ha'oula, ils diront d'aïmen, vous exagérez. Faka'annahum, pour eux, il n'y a pas de bid'a. Il y en a, tu trouveras, ha'oula, jamais ils mettent en garde contre le bid'a. Enfin, tu lui demandes, c'est quoi le bid'a? Il ne peut pas la renier. L'Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, kullu muhdathatin bid'a, wa kullu bid'atin dhalal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, kullu bid'atin dhalal. Chaque bid'a, c'est un égarement. Donc, il ne peut pas nier. Lakin, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez remarqué que ha'oula, ils rusent. Que ce soit le kuffar ou le mubtadi'a. Il ne peut pas dire il n'y a pas de kuffar, il n'y a pas de shirk ou il n'y a pas de bid'a. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils font, ce n'est pas du shirk et ce n'est pas de la bid'a. Et fait le haqiqa, leur qawl, il revient à dire indirectement hada. Et c'est très très grave. Ha'oula, mathalan, min du'at al-dhalal. Pour eux, à chaque fois que toi tu montres que c'est une bid'a, ils disent non. Tu lui demandes, c'est quoi? Cite-moi une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, souvent, bon, avant de faire une khutba, avant de parler, il citait khutbat al-hajja. Et dans khutbat al-hajja, il y a sa parole « Kullu bid'atin dhalal ». Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de bid'a, il n'y avait pas d'innovation. Malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mettait souvent en garde. Pourquoi? Pour montrer la gravité. Et qu'après lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il allait avoir des innovations. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup mis en garde. Ha'oula, tu les entends, qu'annahum, il n'y a pas de bid'a. Falihada, tu lui demandes, c'est quoi le bid'a? Qu'est-ce que c'est le bid'a? Tu verras qu'il ne pourra pas te répondre. Comme a dit, innahu la yadri. Si te dit la bid'a, c'est inventer une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait en ayant l'intention de se rapprocher d'Allah, c'est ça le bid'a. Enfin, tu lui dis, tayyib. Enfin, telle chose c'est une bid'a, telle chose c'est une bid'a, donc on est d'accord. Lakin hum, ha'oula, imma, ils ont été touchés par l'ignorance, imma les passions, yadam l'illah. Les naoum, ils savent très bien que si tu mets en garde contre le bid'a, beaucoup de gens ils te délaisseront. Vous avez remarqué que ha'oula, du'at ou dhalal, certains à notre époque avec les réseaux sociaux, ils appellent où il parle des sujets où tout le monde est d'accord. Le bon comportement, les bienfaits du mariage, la mort, la résurrection. Tu trouveras même Afsaq al-Nas, il ne te contredira pas. Même quelqu'un qui est très très loin du din, tu vas lui parler de la mort, ça va le toucher. Tu vas lui parler du mariage, il ne sera pas en désaccord contre toi. Parle des bid'ah et tu verras, parle des innovations, mais regarde et tu verras que beaucoup de gens, ils seront en désaccord contre toi. Vu que ha'oula, ils recherchent quoi? Ils recherchent ad-dunya, ils recherchent des suiveurs, des abonnés, ils font tout pour avoir le plus de suiveurs. Et le chemin qu'ils ont pris, et ne pas mettre en garde, ça leur donne ha'oula. La kif, la hafif, ils ne gagnent rien, ils ne font que s'éloigner. Allez, ha'oula, cette réponse, elle est très très importante. Enfin, tu demandes à ce mouchrik, c'est quoi shirk? Vu que toi, tu dis tu ne veux pas shirk, enfin, c'est quoi shirk? Montre-moi que je me trompe. Tu verras qu'il ne pourra pas. قال المؤلف رحمه الله فقل له كيف تبر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا جواب سديد أي كم vu que هو en général il saura pas répondre. Quand tu vas lui dire c'est quoi shirk, il ne pourra pas. On a dit certains d'entre eux ils parleront de l'ububia, tu lui montres que c'est faux comme ataqaddam. Si après cela il ne sait pas et il ne saura pas, tu lui montres bien kayf ce dhamm, ce péché, le péché le plus grave. C'est la cause toutes les œuvres soient annulées. Un mouchrik qui ne rentrera jamais au paradis. Un Allah ne lui pardonne pas. Et il ne fera pas partie de ceux qui recevront shafa'a. On montre toutes ces choses très très graves. Thumma, tu lui montres et tu sais pas c'est quoi? T'as pas peur pour ton neuf, t'as pas peur pour tes proches. Normalement, celui, si tu dis maintenant à un musulman, je connais une chose, si tu meurs sur cette chose, tu rentreras pas au paradis. Toutes tes œuvres seront annulées. Tu profiteras pas de shafa'a. Et Allah ne pardonnera pas. Tu lui cites tout ce que ça implique, le shirk al-akbar. Et à chaque va te dire, dis-moi c'est quoi? C'est shirk. Tu lui expliques le shirk. هذا c'est très très important. قال كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسال عنه ولا تعرفه. Et vous avez remarqué que malgré tout cela, بعض الناس ils essaient pas de comprendre le shirk. C'est pour ça que دعوة الانبياء était axée principalement sur هذا. لان ces choses graves tu dois savoir c'est quoi. Allez, هذا normalement celui qui a connaissance de la gravité du shirk, directement il va te dire montre-moi. J'ai peur là de mourir على هذا. Enfin, montre-moi c'est quoi hatta je m'en écarte. Et كذلك je montre à mes proches. قال أتظنه أو أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا لا شك أن si في القرآن وفي السنة on a des détails sur des choses qui sont beaucoup moins graves que le shirk et beaucoup moins importants que le tawhid. مثلا on a des détails comment faire nos besoins, comment nous comporter avec nos voisins, comment faire des sadaqat, il y a des choses qui sont moins importantes que ce sujet, la shak. On a des détails dans ces points. On ne trouvera pas de détails dans le Coran ou dans le Sunna qui nous mettent en garde contre le plus grave des péchés. Obligé qu'il y a. Ça montre que c'est l'insan qui s'est écarté. C'est la septième choubha. Et après, il a cité la huitième et Naqra, la huitième. Mais Anna Sheikh Al-Fawzan, dans l'explication, il a expliqué les deux. La septième, elle s'arrête ici. Et la huitième, elle commence par Inqala. الشرك عبادة الأصنام إلى آخره. فإن قال si après tout cela et c'est la suite suivez فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. Donc on avait dit certains ils vont dire que الشرك c'est الربوبية إلى آخره et d'autres صحيح ils vont dire الشرك c'est adorer les statues. Et ces deux points on les a vus, le fait de croire que الشرك c'est que dans الربوبية et le fait de penser que الشرك c'est l'adoration des statues. Ces deux points on les a vus. فقل له, tu lui réponds, ما معنى عبادة الأصنام? Ça veut dire quoi adorer l'أصنام? أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاهم فهذا يكذبه القرآن. Tu lui demandes, vu que lui il pense que le shirk c'est adorer les statues. Est-ce que هؤلاء qui ont adoré vraiment les statues, مثلا كفار قريش, est-ce qu'ils avaient la conviction, la croyance أن تلك الأخشاب c'est le pluriel de خشب أي du bois, c'était des statues en bois, والأحجار أو en pierre, Est-ce qu'ils avaient la croyance que ces morceaux de bois et ces morceaux de pierre, تخلقوا وترزقوا وتدبروا أمر من دعاها, est-ce qu'ils avaient cette conviction? Abadan. Mais ils savaient très bien que c'était des statues. Ils savaient très bien que ces statues, elles ne pouvaient rien donner, rien enlever. Lakin, ils les prenaient comme intermédiaires. Si tu lui expliques Hakada, tu lui montres que ce qu'il fait, c'est exactement ce que Kuffar Quraysh, ils ont pas avec leurs statues. Ils ont pris comme intermédiaire les statues. Ou un tas, tu prends comme intermédiaire des morts. C'est la même chose. Ha'oula, ils ont fait du shirk. Et ha'oula, ils ont fait du shirk. Qala wa in qal huwa man qasada khashaba ou hajaran. Vous avez Hakada, huwa man ou ma. Man. Na'am. Qasada khashabatan ou hajaran. أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربون إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. Ils vont dire هكذا. Ils savent très bien que cette statue en bois ou en pierre, elle peut rien donner, elle peut rien enlever, إلى آخره. لكن c'est un intermédiaire pour les rapprocher d'Allah. Il va te répondre هكذا. فتُ lui dis فقول صدقت. صحيح. Et sur ça, il a raison. Anna Kufar Quraysh, ils adoraient ces statues pour que ces statues, ces idoles, elles les rapprochent d'Allah. Illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Tu lui dis, faqul sadaq. Wa hada huwa fi'lukum inda al-ahjar wal-abniya lati ala al-qubur wa ghayraha. Thumma, tu conclus, tu lui montres, Anna, c'est exactement ce que vous faites avec les tombes. Et les tombes, c'est quoi? C'est quoi? C'est des pierres, là. Ce mort, c'est quoi? C'est une créature. Comme la pierre et le bois, c'est des créatures, enfin, ce mort, c'est une créature. Quoi, tu n'as pas le droit de demander à une créature? Ah, la jawab, il est qawi. Retiens-le, il te sera utile, jiddan. Qala fa hada, aqarra, anna fi'lahum hada huwa ibadatu al-asnam, fa huwa al-matlub, wa yuqalu lahu aydan. Mram, vu que ce mouchrik, à cette étape, il a accepté anna le fait d'adorer l'asnam, c'était quoi? C'était le fait de demander l'intercession. Enfin, c'est exactement la même chose avec les morts. قال ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك كذلك. هذا on a répondu auparavant dans les douloureuses précédentes. Le fait qu'ils disent الشرك c'est d'adorer les statues, enfin, هنا tu lui montres bien que est-ce qu'il pense que le shirk c'est que l'adoration des statues. Ça veut dire ceux qui adorent des prophètes, des hommes pieux, des anges, il a arrêté, ils font pas de shirk. فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. Vous vous rappelez, dans une partie de ce livre, il avait cité des preuves, ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent Isa ibn Maryam et ceux qui adorent les hommes pieux. Pour montrer un shirk, c'est pas restreint dans l'adoration des statues. قال فلا بد أن يقر لك أن من الشرك من أشرك بعبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. Après tout cela, si c'est pas un mu'anid, si c'est pas un orgueilleux, s'il veut le haq, tu vas lui citer à chaque fois des versets du Coran al-Karim, il sera obligé de dire sadaq, tu as raison. قال وسر المسألة أنه إذا قال. À partir de ce pacha, c'est important, il va récapituler tout ce qu'on vient de voir à la 8e Shubha, sous forme de dialogue. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله. Donc le résumé, si il dit moi je ne fais pas de shirk, فقل له, tu lui réponds وما الشرك بالله وما الشرك بالله فسره لي. Si il te dit je ne fais pas de shirk, tu lui dis explique-moi c'est quoi le shirk. Attends, on est d'accord sur le thème, sur le sens du mot, et après on verra est-ce que un de nous il fait du shirk. فإن قال هو عبادة الأصنام, si il te répond c'est adorer des statues. فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. انظروا الترتيب. Tu te précipites pas هنا à dire là même adorer l'aslam c'est du shirk. Là tu lui dis c'est quoi ou comment ils adorent les statues. فإن va te dire فإن قال أنا وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي. Si il te répond Anna, j'adore qu'Allah, j'adore pas de statue. Tu lui demandes une deuxième fois, c'est quoi ibadatullah? Explique-moi. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. Si il t'explique l'adoration d'Allah comme c'est cité dans le Coran, toi tu lui montres que cette adoration, tu n'as pas le droit de l'accomplir pour un mort. Si il ne sait pas, il te dit, ah, je ne sais pas c'est quoi, toi tu lui dis, fakif, tu prétends adorer Allah mais tu ne sais pas c'est quoi l'adoration. Anbur al-ilm. Avec hada tertib et avec ces questions muhtasara, la chaque annahu il ne pourra pas répondre. Amma al-juhal de notre époque, al-khurafiyoun, al-quburiyoun, ils sont baïs. Hatta ces questions, ils ne les comprennent pas, les asaf. Lakin, on ne désespère pas et on fait ta'wa et on leur montre billati hiya ahsan, et ceux qui veulent al-haq. Et ceux qui ne veulent pas al-haq, on se détourne d'eux. Et on les déteste, fillahi azza wa jal. قال وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليها ينكرون علينا نعم فسي سيبا تولي مونتر avec des versets du Coran Karim avec des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi l'ibada et tu lui montres que ce qu'il fait في الحقيقة cette demande d'intercession qui demande aux morts, c'est la haqiqa, c'est l'ibada. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ad-du'a huwa al-ibada. Et le fait de demander à un mort, c'est ça l'adoration. Limadha li anna al-muslim doit demander à Allah azza wa jalla. Comment demander à un mort qui n'entend pas, qui n'est capable de rien? Allahu a'lam son état dans sa tombe et on lui demande. Enfin, tout ça tu lui montres bi'ilm. Qala wa anna ibadata Allah wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkirun alayna. صحيح في الحقيقة المشركون القبوريون الوثنيون qu'est-ce qui reproche à que ce soit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ou n'importe quel mouhid qu'est-ce qu'il lui reproche en الحقيقة il lui reproche التوحيد وإلا est-ce qu'il a appelé au shirk est-ce qu'il a appelé à adorer autre qu'Allah à suivre autre que le prophète عليه الصلاة والسلام أبدا tous ces livres رحمة الله عليه c'est sur هذا الأصل العظيم نعم التوحيد ميزان غاب contre الشرك قال ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب même si le disent pas avec ces mots في الحقيقة c'est exactement le même sens qu'est-ce qu'ils disent هؤلاء ils disent الوهابية ils ont amené un دين جديد ils disent الوهابية ils n'aiment pas الأولياء ils disent الوهابية ils pensent que tout le monde c'est des كفار هكذا ils disent ففي الحقيقة qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent exactement هذا المعنى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب la da'wa de l'auteur رحمه الله elle les a dérangés جدا لماذا لأن il a appelé il a mis en garde contre leur shirk et il faut adorer qu'Allah il faut délaisser عبادة البدوي عبادة عبد القادر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الملائكة il faut délaisser tout cela أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لهذا البعض ils ont été étonnés إلى يومنا هذا comment vous dites que on n'a pas le droit de visiter les tombes et de sacrifier et de demander alors que c'est que pour la demande d'intercession pour eux c'est quelque chose d'étonnant exactement comme les mouchriquons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont été étonnés par la da'wa de qui du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam c'est la même chose فقط les noms et le temps il a changé amma c'est la même base Al-Muwahhid, il a comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a les mêmes arguments, il suit sa voie, il a akhiré, et Al-Mushrikoun d'aujourd'hui, ils ont comme modèle les Mushrikoun d'avant, ils ont exactement les mêmes arguments. Bah, si tu apprends les bases de Tawhid, et tu connais c'est quoi le shirk, tu pourras répondre à n'importe quel Mushrik, dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque. Omar, le kalam de Al-Mu'allif rahimahullah, il est mort il y a plus de deux siècles, trois siècles, rahimahullah, C'est exactement les arguments que tu utilises aujourd'hui contre Mouchriquin. C'est la même chose. قال الشيخ الفوزان يبين الشيخ رحمه الله أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام لأن المشركين الأولين منهم من يعبد الملائكة والملائكة أصلح الصالحين. Vous vous rappelez ce kalam, c'est exactement le kalam qu'on a vu précédemment, فنقرأ. كما قال تعالى بالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو بمن قال وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فالشاهد أن البعض إذا أدغي الملائكة Donc ça montre الشرك, c'est le fait d'adorer les statues, c'est pas sahih. C'est une partie du shirk. Certains ils adorent des anges, d'autres ils adorent des prophètes, d'autres ils adorent des morts. Ils invoquent qui? Ces personnes eux-mêmes, ils veulent se rapprocher d'Allah. Les madal, il y en a, c'est des hommes pieux. Ils adorent des hommes pieux. قال قيل إنها نزلت في من يعبد عزيرا والمسيح من الأنبياء وقيل نزلت في قوم كان يعبدون في قوم كان يعبدون الجن كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن ولم يعلم من يعبدهم من الإنس أنهم أسلموا وهذا تقدم معنا لا آية لانجلوب الجميع كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ceux qui adorent des hommes pieux sont concernés par le verset. Que ce soit Isa qui est adoré, ou Uzayr, alayhim as-salatu wassalam, ou des djinns, min al-muslimin, fa'ala kulli hal, adorer autre qu'Allah, c'est haram. Et le verset, il englobe toutes ces catégories, l'adoration des pieux ou des prophètes. قال, wa al-maqsoud min dhal, anna Allah dhakara anna al-mushrikin al-awwalin, minhum man ya'budu al-asnam, wal-ajjar, wal-ahjar, wa minhum man ya'budu al-anbiya wal-salihin, wa sawwa baynahum fil hukm, wa hakama alayhim bil-kufr wal-shirk. كما تقدم معنا في القواعد الأربعة يا أكن جفرا celui qui adore un prophète ou une statue il a adoré autre qu'Allah. C'est pour ça que shirk c'est adorer une créature, c'est ça shirk. Que cette créature ce soit un nabi ou une statue, فالحقيقة, est-ce qu'il a adoré Allah? Non, il adore autre qu'Allah, enfin, c'est du shirk. Même s'il adore Allah, s'il adore autre, son adoration d'Allah c'est d'aucune utilité. قال وأنت أيها المشبه تريد أن تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين فتفرق بينما جمع الله وهذا من المحادة لله سبحانه. صحيح. الله سبحانه وتعالى قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Eux ils disent quoi? Ils disent pas شيئا, ils disent que l'asnam. شيئا ça englobe toutes les créatures. Ils disent là c'est que les statues. فلا تدعوا مع الله أحدا. Eux ils disent فلا تدعوا مع الله الأصنام, c'est tout. Ils disent pas أحدا. هذا سبيل لسان حالهم سبب المقال même si récite le verset في الحقيقة leur compréhension c'est الشرك c'est que les statues عياذا بالله. قال وهذا وجه رد هذه الشبهة حيث تبين أنه لا فرق بين الشرك الأولين والشرك هؤلاء الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين لأنهم لا يعرفون أن هذا الشرك وهذه نتيجة الجهل بعقيدة التوحيد الصحيحة. البعض se prétend مسلم ils adorent des tombes. Pourquoi? L'ignorance, le jahl. لماذا? Et تقدم معنا أن l'ignorance c'est pas toujours une excuse. لأن s'il y a des doros في التوحيد, s'ils sont conseillés, ils refusent et ils ont les moyens d'apprendre, de demander, ils font pas l'effort, ils sont pas excusés عند الله. Celui qui est excusé c'est celui qui n'a pas la capacité d'apprendre et personne lui a montré. Même si c'est باب التوحيد, il peut être excusé على الصحيح. أما كثير من الناس ils font pas d'effort. Donc c'est pas une excuse pour tout le monde, l'ignorance. قال والجهل بما يضادها من الشرك فإن من لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يدري. C'est ça la gravité. On a celui qui ignore une chose, il peut faire cette chose. Enfin, celui qui ignore shirk, peut-être qu'il va faire du shirk et lui il ignore. Et s'il a les moyens d'apprendre et on le conseille et il ne fait pas d'effort, c'est pas une excuse. Il n'est pas excusé, عند الله. قال ومن هنا تتضح ضرورة العناية بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها. Si tu as compris le cours d'aujourd'hui, ça va encore te renforcer encore plus, أخي الكريم, qu'on doit faire des efforts pour apprendre هذا التوحيد et ce qui le contredit. الشرك, pour apprendre عقيدة السلف et ce qui la contredit comme croyance باطلة. العناية بهذا العلم, c'est la chose la plus importante. Nos forces, on les met sur cela principalement. Les autres ulum, c'est pour nous aider à comprendre. Il avait ma faïda d'apprendre la langue arabe. L'insan, c'est un mouchrik. Il fait du shirk. Allez où le faïda? Kuffar Quraysh, ils maîtrisaient la langue arabe. C'était leur langue maternelle. Mais ceux qui n'ont pas accepté l'islam, ils ont fait une mort. Kadalik, même si c'est pour apprendre une ibad, مثلا, celui qui fait beaucoup d'efforts pour le fiqh, Il apprend comment faire siyam, comment faire salat, comment faire tahara, il a akhiri. Mais il ne donne pas d'importance à Hada, il fait du shirk billah. Tu trouves Arda Sauvi, ils ont une inaya. Et s'ils font du shirk, elle est où l'utilité? Il n'y a aucune utilité. Cette salat, si il meurt à la shirk l'akbar, elle est annulée. Même s'il a fait à la sunnah. Donc ça nous montre que c'est la base de notre din, enfin on doit faire des efforts. Alors, on a pris, walillahi alhamd, la cinquième shubha, la sixième, la septième et la huitième. On a pris quatre shubha, faire réviser-les, elles sont très très simples. La plupart de ces shubha, taqaddamat ma'ana, il y a quelques ajouts, enfin, faites la révision, et si vous n'avez pas compris un point, une mas'ala, fa inshallah, le prochain verse.